23, 18, activation orale, optimisme, pessimisme. Vous allez entendre une deuxième série de dialogues entre un optimiste et un pessimiste. Et cette fois-ci, vous allez jouer le rôle du pessimiste. Écoutez chaque dialogue en entier une fois. Ensuite, à vous de jouer. 1. Tout ira bien. Oh, ça ne va pas mieux. Tout ira bien. Ça ne va pas mieux. 2. Il n'y aura pas de problème. Dans la vie, il y a toujours des problèmes. Il n'y aura pas de problème. 3. Tout s'arrangera. Ça ne s'arrange pas. Tout s'arrangera.